bana bokola. Nanu bokolite. Ouvrez les yeux. Voilà. C'est un nouveau zin, ça doit dire que c'est pas lui. On est le malade à l'hôpital. Il est la date de le nouveau, il est au Nanga, Ebola, Zoï, Schengen. Yama qui dans la bango. Sans effet. Qui nous dit la bango. Sans effet. De production au Salaka Pointe. Samunanga, Mugabiba, Zambio. Samuna Bana Madua, Mobana Kelly, Mugabiba, Yesu. Samuna Kevaya Mwanda, Mugazala, Serepana, la mer. Cana, sublime. Que c'est pas lui, emmenez le malade à l'hôpital.